On va parler de la Ligue JMS. Cette chronique est une commandite d'identification sport. Donc, pour tous vos besoins, que ce soit pour vos différents vêtements faits sur mesure ou pour des articles de voyage, vous consultez l'identificationsport.com. On parle avec notre ami Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, c'est le passé, évidemment, j'étais en congé mortalité, excuse-moi, mais on recommence cette semaine pareil. Et là, on est dans les séries, c'est ça que. Et je pense que, si me corrige, je me trompe, il reste un match avec les Castors de Debout, puis c'est ce soir, je pense, si Dame Nature le permet. Oui, dans le midget, il nous reste un match. On a trouvé de remettre le match de dimanche, remettre le match de lundi. Puis le match est très important parce que si les Castors l'emportent, termine troisième, donc rencontrerait Saint-Félicien en quart de finale. Et ça serait Saguenay-Chicoutimi contre Chibougamau dans l'autre série. Et si de le beau-père, c'est Saint-Chicoutimi qui va rencontrer Saint-Félicien. Okay. Donc le match est très important. Je pense qu'il doit jouer ce soir à 19h à Normandais. Ah, c'était à Normandais, je pensais que c'était à Dolbeau. Non, la game, à Normandais, il n'y avait pas de glace à Dolbeau. Ah, OK. OK. Fait que ça. Mais là, si la de mémoire, est-ce que toutes ces histoires-là de température, ça vous a causé des problèmes? Pour de logistique. Ben, on va dire, des logistiques. Il n'y a pas un que. Cette année, ça a été assez difficile. OK. On a eu. L'an passé, ça arrivait deux fois qu'on a remis des matchs, mais cette année, on a remis plusieurs. Certainement trois, quatre fois. Puis comme dimanche soir, la game quart de finale, Alma-Roberval, il s'est joué, mais Roberval est descendu en autobus. De Roberval pour venir jouer à Alma. Ils ont passé par Saint-Gédéon-le-Village pour prendre l'ancienne route pour venir jouer, venir jouer la partie. Tu sais, c'est assez, on va dire, là, c'est pas facile. C'est assez rock'n'roll, comme on dit. Puis le match de ce soir, s'il n'y aurait pas d'importance au classement, probablement qu'on l'annulerait tout simplement pour passer à d'autres choses. Hein? Ouais, probablement. On l'a fait samedi. Samedi, ça ne s'est pas joué entre Alma et Saint-Félicien. OK. Fait que c'était pas grave, il n'y a pas d'importance. Lui, il est vraiment important. C'est Saint-Félicien qui a le sort de Dolbeau puis de Chicoutimi entre ses mains. OK. Donc, ça va jouer ce soir à Normandin, en principe. On va checker ça sur le site de la Ligue JMS. Donc, tu rappelles, évidemment, c'est sûr que le tableau n'est pas complet, mais ce qu'on sait là, dans les midgets. Oui, c'est ça. Ça va être les demi-finales. Les quarts de finale vont commencer en fin de semaine, dépendamment du gagnant de la soirée. Puis, en fin de semaine également, tu as vendredi, une partie à Métabette entre les Sorbes et les Edlons, le troisième match du quart de finale. Et samedi, le quatrième match du 3-5, qui va jouer à Alma. S'il y a un cinquième match, il va avoir lieu dimanche soir. On ne sait pas encore si ça va être à Métabette ou à Roberval. Parce que Roberval, je pense qu'il y a un tournoi où la glace est louée en fin de semaine. Donc, ils attendaient à la dernière minute pour céder le cinquième match, s'il y a une cinquième partie. OK. Ailleurs, maintenant, si on parlait de ce qui se passe dans la Ligue junior régionale. Oui, c'est exactement ça, le junior régional. On est dans les quarts de finale, présentement. Okay. C'est les Edlons ont surpris Roberval lors du premier match à Roberval vers le pointage de 6-3. Okay. Et le lendemain soir, c'est Roberval qui surprend Alma à Alma par le pointage de 10-3. Donc, c'est une série qui est égale à 1 dans le 3-5. Et les prochaines parties vendredi, samedi et possiblement dimanche pour un cinquième match. OK. Ben, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Pierre? Oui, ça fait le tour. Après ça, la semaine prochaine, on va recommencer peut-être à parler des demi-finales dans le junior. Ouais. Et ça va être encore les quarts de finale dans le. Incroyable, ça achève. Incroyable déjà. Ah, ça va très vite, oui. C'est beau. Bon, ben, merci beaucoup. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine. Merci, Danny. Oui. À toi et bonne fin de semaine. Notre ami Pierre Gay.